Today, 15th of June, year 2017. So our retreat is going on. Every day we encourage to practice, to understand, to realize our life, this mind and body, how they are working together in our life. That is as according to the Buddha's teaching. So we keep on practicing until nearly 2 weeks already. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2017. Les yogis travaillent courageusement dans le but de développer leur compréhension de la réalité. Ils étudient la vie, ils essayent de voir l'interaction entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. C'est l'enseignement du Bouddha. Et cela fait presque 2 semaines qu'ils sont occupés à pratiquer. Hier, je vous ai expliqué qu'après son illumination, le Bouddha a enseigné ce qu'il avait lui-même expérimenté. Il a commencé par le premier sermon, le Dhammacakka Pavattana Sutta, et il l'a présenté à ses 5 anciens compagnons, les 5 ascètes, qu'il avait accompagnés avant d'être un être illuminé. Il a parlé dans ce premier sermon des 4 nobles vérités et des 8 facteurs du noble octuple sentier. Hier, nous avons déjà parlé en partie de ce noble octuple sentier. Nous avons expliqué que dans la vie, on pose des actes au niveau des paroles, au niveau physique et au niveau mental. Ce sont les 3 types d'actions. Si nous voulons purifier notre vie, nous devrons nous purifier au niveau des actes physiques, vocaux et mentaux. C'est très difficile de purifier les actes mentaux. Quant aux actes vocaux et aux actes physiques, cela consistera essentiellement à respecter les préceptes moraux. Quelles sont les actions vocales négatives? Le mensonge, la calomnie, les paroles dures et les paroles inutiles. Si nous évitons de prononcer ce type de paroles, notre comportement vocal va devenir pur. Pour ce qui est des actions physiques, il y en a 3, le fait de voler, le fait de tuer et le fait de se méconduire sexuellement. Ces 3 actions négatives sont très fréquentes dans la société. Si nous évitons de tuer, de voler et de nous méconduire sexuellement, notre comportement physique va devenir pur. La parole juste se dit en pali samavacha. L'action juste se dit en pali samakamanta. Nous devrons donc essayer d'éviter ces 4 façons erronées de parler et ces 3 comportements physiques erronés. Si nous réussissons à le faire, nos moyens d'existence seront automatiquement justes. Nous aurons atteint la purification des moyens d'existence. Ceci se dit en pali Sama Ajiva. Ces 3 facteurs, Sama Vacha, Sama Kamanta et Sama Ajiva, constitue la section de la moralité du noble octuple sentier. Nous avons donc vu cette première section, s'il a la moralité. Pour les laïcs, ceux qui vivent dans le monde, c'est très basique. Mais si on envisage de devenir un être noble, de développer la compréhension, la connaissance, les jnanas, autrement dit, pour les bhikkhus et les bhikkhunis, les moines et les moniales, le Bouddha a ajouté certaines règles qui concernent l'esprit. Il y a 4 types de moralité. Le premier, c'est Patimokkha Samvarasila. Le deuxième, c'est Indriya Samvarasila. Le troisième, c'est Pekeya Sanisita Sila. Et le quatrième, c'est Ajiva Parisuddhi Sila. Le premier, Patimokkha Samvarasila, c'est le code de discipline des moines, des novices et des moniales. Les moines devront respecter 227 règles de discipline. Les novices, une centaine. Ce sont donc les règles monastiques qui sont contenues dans la première corbeille du canon Pali appelée le Vinaya Pitaka. Le mot Pali, Pati Moka, se divise en deux parties. Pata, qui veut dire tomber dans les mondes inférieurs. Moka, qui veut dire libre par rapport à quelque chose. La personne qui pratique le Patimokkha Samvarasila ne sera pas entraînée dans des renaissances inférieures étant donné qu'il est pur moralement, qu'il respecte ses préceptes moraux et il va ainsi se libérer de la souffrance. Le deuxième type de moralité, c'est donc Indriya Samvarasila, que l'on traduit par contrôle des facultés. Il s'agira de garder les portes sensorielles, la faculté de l'œil, de l'oreille, du nez, de la bouche, du corps et de l'esprit. Il faudra garder ces portes sensorielles. Si nous désirons développer la sagesse supérieure, si nous désirons nous délivrer des kilesas, des pollutions mentales, qui sont essentiellement l'avidité, la colère, l'avidité se manifeste dès qu'on aime quelque chose, la colère se manifeste dès qu'on n'aime pas quelque chose. Ces deux pollutions, avidité et colère ou aversion, sont susceptibles de se manifester dans l'esprit dès qu'il y a contact par l'une ou l'autre des portes sensorielles. Si on entend un son, par exemple, et que ce son est perçu comme agréable, forcément, nous allons l'aimer et l'attachement va se manifester. Si nous n'aimons pas ce son, forcément, c'est l'aversion qui va se manifester. Et ceci est vrai pour les six portes sensorielles, par l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps et l'esprit. Nous devrons donc garder ces six portes sensorielles. Ceci veut dire qu'il faudra être très attentif. Si nous ne sommes pas attentifs au moment où un contact s'établit par l'une ou l'autre des portes sensorielles, il est inévitable que lobha, l'avidité et dosa, l'aversion, apparaissent. Il est possible également que parfois les contacts ne soient pas vus très clairement. À ce moment-là, c'est l'ignorance qui va s'infiltrer dans l'esprit, moha. Ces trois impuretés, lobha, le désir, dosa, la colère ou aversion, moha, l'ignorance, sont pratiquement toujours en nous. Comment allons-nous faire pour nous en débarrasser, pour les éviter? Nous allons pratiquer ce deuxième type de moralité, Indriya Samvarasila, le contrôle des portes sensorielles. De cette façon, nous allons pratiquer la moralité supérieure. Si nous pratiquons le contrôle des sens, Indriya Samvarasila, nous allons éviter de laisser pénétrer dans notre esprit ces impuretés que sont essentiellement le désir, l'aversion et l'ignorance. C'est pour cette raison qu'on demande aux yogis de se focaliser tout d'abord sur l'objet primaire et ensuite sur les douleurs en posture assise. Dans les activités quotidiennes, on lui demande de noter tous les contacts sensoriels dès qu'ils se manifestent, dans l'instant présent. Il doit noter entendre lorsqu'il entend un bruit, il doit noter voir lorsqu'il voit quelque chose, sentir lorsqu'il sent une odeur, goûter lorsqu'il expérimente une saveur, et il devra également observer tous les mouvements qu'il sera amené à faire tout au long de la journée. Pourquoi lui demande-t-on de noter tout cela? Parce que s'il réussit à noter, au moment où le contact sensoriel a lieu, son esprit va aller à l'objet. L'esprit va noter ce contact dans l'instant présent et il évitera ainsi de laisser pénétrer en lui le désir, l'aversion ou l'ignorance. Il se contente de prendre conscience, de noter. Par exemple, si le méditant voit quelque chose, il note de façon répétée, voir, voir, voir, il ne réagit pas, le désir, l'aversion et l'ignorance ont beaucoup moins de chances de pénétrer dans son esprit. Il se contente de noter, voir, voir ou entendre, entendre, et c'est la même chose pour les six contacts sensoriels. C'est de cette façon que le yogi doit pratiquer dans les activités quotidiennes. Il reste toujours dans l'instant présent et notent les contacts sensoriels au moment précis où ils ont lieu pour éviter que le désir, l'aversion ou l'ignorance pénètrent dans son esprit. En posture assise, le méditant devra également se focaliser d'abord sur l'objet primaire, mais également sur les contacts sensoriels. Par exemple, il est possible qu'en méditation assise, il entende un bruit, des voitures, des gens qui passent, etc. Son esprit va être attiré par ces objets. Et peut-être va-t-il observer en détail ce contact. Il va se mettre à réfléchir. Si c'est quelqu'un qui est passé, par exemple, il se demande qui c'est, pourquoi il se déplace, etc. Il entre ainsi dans le détail de sa vision. Mais si ce contact est désagréable, la colère va automatiquement suivre. Si le contact est agréable, c'est le désir qui va suivre. Le yogi doit se contenter de noter « entendre » lorsqu'il entend un bruit. Il comprend, au moment où il note « entendre », qu'il y a l'objet extérieur, c'est-à-dire le son, la base sensitive de l'oreille, et que le contact a lieu entre ces deux, et que la conscience auditive se manifeste. S'il procède ainsi, il comprend le processus, il reste dans l'instant présent, et ni la colère ni le désir ne peuvent se manifester. En posture assise, le méditant n'expérimente pas les visions puisqu'il a les yeux fermés. Il ne mange pas non plus, donc il n'expérimente rien par la bouche. Par les odeurs, il n'expérimente pas grand-chose. C'est surtout le fait d'entendre. Et le toucher, les contacts par le corps. Bien souvent, après un certain temps de pratique, des douleurs vont commencer à apparaître. Les douleurs sont des contacts par le corps. Et c'est la conscience corporelle qui va se manifester. Ces contacts corporels seront parfois agréables, parfois désagréables. Le méditant doit noter ce contact sensoriel tel qu'il est à l'instant même où il se manifeste. S'il omet de le faire, il entre dans les détails de ce contact et forcément, l'aversion va apparaître si le contact est désagréable. Pour les douleurs, c'est souvent l'aversion qui se manifeste. Son esprit à ce moment-là est pollué par l'aversion. Il n'est plus pur. Mais s'il réussit à noter douleur avec précision à l'endroit même où la douleur se manifeste, son attitude est correcte. Encore faut-il qu'il n'ait pas dans l'esprit le désir de faire disparaître cette douleur. Cela, ce n'est pas la bonne attitude. Il doit comprendre que s'il doit observer la douleur, c'est uniquement dans le but de comprendre sa nature. Le méditant doit observer la douleur, il doit essayer de se focaliser à l'endroit précis où la douleur apparaît, il doit comprendre que si cette sensation désagréable est apparue, c'est tout simplement parce que il y a des causes pour cela. Les causes peuvent être par exemple la posture qu'il tient depuis un certain temps, qui a provoqué peut-être un engourdissement quelque part, ou bien la chaleur, etc. Donc il y a des causes à cette sensation désagréable. Le méditant doit donc s'entraîner à noter la douleur lorsqu'elle se manifeste, dans le but uniquement d'en comprendre la nature. Il doit commencer par se focaliser sur la sensation désagréable à l'endroit précis où elle se manifeste. Il doit ensuite noter mentalement douleur, ou engourdissement. Et il doit observer attentivement, et il verra que cette sensation change constamment de forme. Parfois, elle s'intensifie, parfois, elle diminue d'intensité. Il verra que parfois, il s'agit d'une vibration, parfois, il s'agit d'une brûlure, d'une pression, de dureté, de légèreté. Il verra tout cela. Il doit donc observer attentivement cette sensation sans chercher à la faire disparaître. Nous voulons nous débarrasser, surmonter la souffrance. Il faut pour cela que nous observions et que nous comprenions la souffrance. Si on bouge, qu'on change de posture, évidemment la douleur va disparaître, mais nous aurons perdu une occasion de comprendre sa nature. Essayons donc d'accepter cette douleur telle qu'elle se manifeste, de façon à pouvoir l'observer attentivement. Si vous procédez ainsi, votre concentration va très vite se développer. Vous verrez les changements au niveau de cette sensation. Vous verrez qu'elle apparaît, qu'elle disparaît, qu'elle se déplace, qu'elle change. Vous commencez à comprendre en quoi consiste réellement la sensation douloureuse. Donc, Indriya Sambarasi, là, c'est très important pour les personnes qui pratiquent la méditation. Bien ensuite, le troisième type de moralité, Pechaya Sanisita Sila. Ceci se traduit par bon usage des quatre articles de première nécessité. C'est un précepte qui s'adresse essentiellement aux moines et aux novices. Les quatre articles de première nécessité sont quatre articles que les moines et les novices reçoivent. Ils reçoivent les robes, ils reçoivent la nourriture, ils reçoivent les médicaments et ils reçoivent les abris. Un moine devrait toujours contempler au moment où il reçoit ces choses ou au moment où il en fait usage. Par exemple, s'il s'agit de nourriture, avant de manger ce qu'il vient de lui être offert, le moine doit réfléchir ainsi. Il doit se dire, si je mange cette nourriture, ce n'est pas pour la beauté, ce n'est pas pour devenir fort, ni pour prendre plaisir. C'est uniquement pour apaiser ma sensation de faim, pour me permettre de continuer à vivre dans le but de pratiquer la méditation et d'atteindre la libération. C'est de cette façon que le moine doit réfléchir au moment où il s'apprête à manger. Il pratique alors Pechaya Sanisita Sila. S'il s'agit de robes, lorsqu'il reçoit des robes, il doit toujours réfléchir de la même façon et se dire que s'il se revêt de ses robes, c'est uniquement pour se protéger soit de la chaleur, soit du froid, soit pour couvrir sa nudité. Ce n'est pas pour la beauté, ce n'est pas pour le plaisir, c'est uniquement dans le but de se protéger. Le moine doit contempler ainsi, s'il le fait, son sila va devenir très pur. Ajiva Parisuddhi Sila concerne les moyens d'existence. Ajiva veut dire moyen d'existence. Ces moyens d'existence doivent être purs. Pour un moine qui a renoncé, il s'agira donc de purifier ses moyens d'existence. Et c'est la même chose pour le yogi. Le yogi a renoncé dans une certaine mesure, puisque pendant le temps de la retraite, il a renoncé à son confort, il ne peut plus faire ce qu'il veut, manger ce qu'il veut, il est obligé de suivre le code de discipline, il devra se montrer très souvent patient, il devra endurer toutes sortes de choses, tout simplement parce qu'il y a des règles de conduite à respecter ici au centre. Le yogi n'est pas autorisé à exiger quoi que ce soit, il doit accepter ce qui est offert, comme le moine. Tous deux sont donc des renonçants. Pour le yogi qui veut pratiquer cette dernière forme de moralité, Ajiva Parisuddhi Sila, il devra donc éviter de faire des activités ici au centre qui ne sont pas appropriées, comme par exemple faire du business. Il devra accepter tout ce qui est offert en se montrant patient, même si cela lui déplaît, ne lui convient pas. Le moine non plus n'est pas autorisé par le Bouddha à faire du business. Le Bouddha l'a interdit. Le moine n'est pas non plus autorisé à demander quelque chose. Il doit se contenter d'accepter ce qui est offert. Il doit accepter ce qui est offert uniquement dans le but de se maintenir en bonne santé et de ne pas tomber malade. Le moine n'est pas non plus autorisé à faire comprendre au donateur qu'il souhaiterait avoir ceci ou cela. Il ne peut rien insinuer. De cette façon, ses moyens d'existence seront très purs. La personne qui pratique donc ces quatre types de moralité va pouvoir très facilement développer la concentration, l'attention et la sagesse. Dans la vie, nous serons donc constamment envahis par trois types de kilesa, d'impureté mentale. Le premier niveau, le plus profond, c'est anusaya kilesa, les dispositions latentes. Elles seront toujours là tant que nous n'aurons pas atteint la libération. Le deuxième niveau d'impureté, ce sont les pariyutana kilesa, les kilesa qui ne se manifestent que dans l'esprit. Elles ne se prolongent pas ni dans des actes ni dans des paroles négatives. Et le troisième type d'impureté sont les plus grossières, celles qui se manifestent extérieurement, soit par un acte, soit par une parole négative. On les appelle Vitikama Kilesa. Il y a donc trois niveaux d'impureté. Le premier niveau d'impureté, les Vitikama Kilesa, les impuretés les plus grossières qui se manifestent par un acte ou par une parole négative, vont pouvoir être combattues par Sila, la moralité. Les préceptes moraux vont nous protéger de ce type d'impureté. Si nous respectons les préceptes moraux, ce type d'impureté ne pourra pas se manifester, nous nous en abstenons. Le deuxième niveau d'impureté, celle qui se manifeste dans l'esprit uniquement sous forme d'obsession, comme par exemple la dépression, l'aversion, etc., les pariyutana kilesa, ne peuvent pas être éliminées par les préceptes moraux. Car nous avons beau respecter les préceptes moraux, ces idées, ces pensées vont se manifester dans l'esprit, sans se prolonger par un acte ou par une parole, mais elles sont cependant présentes dans l'esprit. Pour les éliminer, pour s'en protéger, il faudra pratiquer la deuxième section de l'octuple sentier, le deuxième entraînement du Bouddha, Samadhi Kanda, la concentration. Nous devrons fournir un gros effort pour développer notre attention et notre concentration. De cette façon, nous allons atteindre le calme, le bonheur, et ce calme et ce bonheur vont éliminer de l'esprit ce deuxième niveau d'impureté. Pour le troisième niveau d'impureté, les plus profondes, les anusaya kilesa, les dispositions latentes, il ne sera pas possible de les éliminer par samadhi, la concentration. Elle est insuffisante. La seule méthode pour s'en libérer, s'en protéger, c'est la pensée juste et la compréhension juste. Autrement dit, seule cette sagesse va pouvoir éliminer les anusaya kilesa. Now today is we will stop here. Sadhu.